17-36, activation orale, négation, ne plus. Répondez selon l'exemple. Vous entendez, par exemple. 1. Quand il était petit, il voulait être pompier. Et vous dites, mais maintenant, il ne veut plus être pompier. 2. Quand elle était petite, elle voulait être infirmière. Mais maintenant, elle ne veut plus être infirmière. 3. Quand elle était petite, elle voulait être actrice. Mais maintenant, elle ne veut plus être actrice. 4. Quand il était petit, il voulait être marin. Mais maintenant, il ne veut plus être marin. 5. Quand nous étions petits, nous voulions être peintres, comme Boucher. Mais maintenant, nous ne voulons plus être peintres. 6. Quand elles étaient petites, elles voulaient être aviatrices, comme Hélène Boucher. Mais maintenant, elles ne veulent plus être aviatrices.